Naufrage d'amour, troisième partie, chapitre 2. Le soir, Jeanne allait mieux. Elle put se lever. Pour rassurer sa mère, elle s'entêta et se traîna dans la salle à manger, où elle s'assit devant son assiette vide. « Ce ne sera rien, » disait-elle en tâchant de sourire. « Tu sais bien que je suis une patraque. Mange, toi, je veux que tu manges. » Et elle-même, voyant que sa mère la regardait pâlir et grelotter, sans pouvoir avaler une bouchée, finit par feindre une pointe d'appétit. Elle prendrait un peu de confiture, elle le jurait. Alors Hélène se hâta, tandis que l'enfant, toujours souriante, avec un petit tremblement nerveux de la tête, la contemplait de son air d'adoration. Puis, au dessert, elle voulut tenir sa promesse. Mais des pleurs parurent au bord de ses paupières. « Ça ne passe pas, vois-tu » murmura-t-elle. « Il ne faut point me gronder. » Elle éprouvait une terrible lassitude qui l'anéantissait. Ses jambes lui semblaient mortes, une main de fer la serrait aux épaules. Mais elle se faisait brave, elle retenait les légers cris que lui arrachaient des douleurs lancinantes dans le cou. Un moment, elle s'oublia, la tête trop lourde, se rapetissant sous la souffrance. Et sa mère, en la voyant maigrie, si faible et si adorable, ne put achever la poire qu'elle s'efforçait de manger. Des sanglots l'étranglaient. Elle laissa tomber sa serviette, vint prendre Jeanne entre ses bras. « mon enfant !» balbutiait-elle, le cœur crevé par la vue de cette salle à manger, où la petite l'avait si souvent égayée de sa gourmandise lorsqu'elle était bien portante. Jeanne se redressait, tâchait de retrouver son sourire. « Ne te tourmente pas, ce ne sera rien, bien vrai. Maintenant que tu as fini, tu vas me recoucher. » Je voulais te voir à table, parce que je te connais, tu n'aurais pas avalé gros comme ça de pain. » Hélène l'emporta. Elle avait roulé son petit lit près du sien, dans la chambre. Quand Jeanne fut allongée, couverte jusqu'au menton, elle se trouva beaucoup mieux. Elle ne se plaignait plus que de douleurs sourdes derrière la tête. Puis, elle s'attendrit. Son affection passionnée paraissait grandir depuis qu'elle souffrait. Hélène dut l'embrasser, en jurant qu'elle l'aimait bien, et lui promettre de l'embrasser encore quand elle se coucherait. « Ça ne fait rien si je dors, » répétait Jeanne. « Je te sens tout de même. » Elle ferma les yeux. Elle s'endormit. Hélène resta près d'elle à regarder son sommeil. Comme Rosalie venait sur la pointe des pieds lui demander si elle pouvait se retirer, elle lui répondit affirmativement d'un signe de tête. 11 heures sonnèrent. Hélène était toujours là. Lorsqu'elle crut entendre, frapper légèrement à la porte du palier. Elle prit la lampe et, très surprise, alla voir. « Qui est là ?»« Moi, ouvrez !» répondit une voix étouffée. C'était la voix d'Henri. Elle ouvrit vivement, trouvant cette visite naturelle. Sans doute, le docteur venait d'apprendre la crise de Jeanne, et il accourait, bien qu'elle ne l'eût pas fait appeler. Prise d'une sorte de pudeur, à la pensée de le mettre de moitié dans la santé de sa fille. Mais Henri ne lui laissa pas le temps de parler. Il l'avait suivi dans la salle à manger, tremblant, le sang au visage. « Je vous en prie, pardonnez-moi, » balbutia-t-il en lui saisissant la main. « Il y a 3 jours que je ne vous ai vu. Je n'ai pu résister au besoin de vous voir. » Hélène avait dégagé sa main. Lui recula, les yeux sur elle, continuant. « Ne craignez rien, je vous aime. Je serais restée à votre porte si vous ne m'aviez pas ouvert. Oh, je sais bien que tout cela est fou, mais je vous aime, je vous aime. » Elle l'écoutait, très grave, avec une sévérité muette qui le torturait. Devant cet accueil, tout le flot de sa passion coula. Ah, pourquoi jouons-nous cette atroce comédie ? Je ne puis plus, mon cœur éclaterait. Je ferai quelque folie, pire que celle de ce soir. Je vous prendrai devant tous et je vous emporterai. Un désir éperdu lui faisait tendre les bras. Il s'était rapproché. Il baisait sa robe. Ses mains fiévreuses s'égaraient. Elle, toute droite, restait glacée. « Alors, vous ne savez rien ? » demanda-t-elle. Et comme il avait pris son poignet nu sous la manche ouverte du peignoir et qu'il le couvrait de baisers avides, elle eut enfin un mouvement d'impatience. « Mais c'est donc ! Vous voyez bien que je ne vous entends seulement pas. Est-ce que je songe à ces choses ?» Elle se calma. Elle posa une seconde fois sa question. « Alors, vous ne savez rien ? Eh bien, ma fille est malade. Je suis contente de vous voir. Vous allez me rassurer. » Prenant la lampe, elle marcha la première. Mais sur le seuil, elle se retourna pour lui dire durement, avec son clair regard, « Je vous défends de recommencer ici. Jamais, jamais. » Il entra derrière elle, frémissant encore, comprenant mal ce qu'elle lui disait. Dans la chambre, à cette heure de nuit, au milieu des linges et des vêtements épars, il respirait de nouveau cette odeur de verveine qui l'avait tant troublé, le premier soir où il avait vu Hélène échevelée, son châle glisser des épaules. Se retrouver là, et s'agenouiller, boire toute cette odeur d'amour qui flottait, et attendre ainsi le jour en adoration, et s'oublier dans la possession de son rêve. Ses tempes éclataient. Il s'appuya au petit lit de fer de l'enfant. « Elle s'est endormie !» dit Hélène à voix basse. « Regardez-la !» Il n'entendait point. Sa passion ne voulait pas faire silence. Elle s'était penchée devant lui. Il avait aperçu sa nuque dorée avec de fins cheveux qui frisaient. Et il ferma les yeux pour résister au besoin de la baiser à cette place. « Docteur, voyez donc, elle brûle. Ce n'est pas grave, dites. » Alors, dans le désir fou qui lui battait le crâne, il tâta machinalement le pouls de Jeanne, cédant à l'habitude de la profession. Mais la lutte était trop forte. Il resta un moment immobile, sans paraître savoir qu'il tenait cette pauvre petite main dans la sienne. « Dites, elle a une grosse fièvre ?»« Une grosse fièvre, vous croyez ? » répéta-t-il. La petite main chauffait la sienne. Il y eut un nouveau silence. Le médecin s'éveillait en lui. Il compta les pulsations. Dans ses yeux, une flamme s'éteignait. Peu à peu, sa face pâlit. Il se baissa, inquiet, regardant Jeanne attentivement. Et il murmura « L'accès est très violent, vous avez raison. Mon Dieu, la pauvre enfant !» Son désir était mort. Il n'avait plus que la passion de la servir. Tout son sang-froid revenait. Il s'était assis, questionnait la mère sur les faits qui avaient précédé la crise, lorsque la petite s'éveilla en gémissant. Elle se plaignait d'un mal de tête affreux. Les douleurs dans le cou et dans les épaules étaient devenues tellement vives qu'elle ne pouvait plus faire un mouvement sans pousser un sanglot. Hélène, agenouillée de l'autre côté du lit, l'encourageait, lui souriait, le cœur crevé de la voir souffrir ainsi. « Il y a donc quelqu'un, maman ? » demanda-t-elle en se tournant et en apercevant le docteur. « C'est un ami, tu le connais ?» L'enfant l'examina un instant, pensive et comme hésitante. Puis une tendresse passa sur son visage. « Oui, oui, je le connais, je l'aime bien. » Et de son air câlin, « Il faut me guérir, monsieur, n'est-ce pas, pour que maman soit contente. Je boirai tout ce que vous me donnerez, bien sûr. » Le docteur lui avait repris le pouls. Hélène tenait son autre main. Et entre eux, elle les regardait l'un après l'autre, avec le léger tremblement nerveux de sa tête, d'un air attentif, comme si elle ne les avait jamais si bien vus. Puis un malaise l'agita. Ses petites mains se crispèrent et les retinrent. « Ne vous en allez pas, j'ai peur. Défendez-moi, empêchez que tous ces gens ne s'approchent. Je ne veux que vous, je ne veux que vous deux, tout près, oh, tout près, contre moi, ensemble. » Elle les attirait, les rapprochait d'une façon convulsive en répétant « Ensemble, ensemble !» Le délire reparut ainsi à plusieurs reprises. Dans les moments de calme, Jeanne cédait à des somnolences qui la laissaient sans souffle, comme morte. Quand elle sortait en sursaut de ses courts sommeils, elle n'entendait plus, elle ne voyait plus, les yeux voilés de fumée blanche. Le docteur veilla une partie de la nuit qui fut très mauvaise. Il n'était descendu un instant que pour aller prendre lui-même une potion. Vers le matin, lorsqu'il partit, Hélène l'accompagna anxieusement dans l'antichambre. « Eh bien ? » demanda-t-elle. « Son état est très grave, répondit-il. Mais ne doutez pas, je vous en supplie, comptez sur moi. Je reviendrai ce matin à 10 heures. » Hélène, en rentrant dans la chambre, trouva Jeanne sur son séant, cherchant autour d'elle d'un air égaré. « Vous m'avez laissé ! Vous m'avez laissé !» criait-elle. « Oh, j'ai peur ! Je ne veux pas être toute seule !» Sa mère la baisa pour la consoler, mais elle cherchait toujours. « Où est-il ? Oh, dis-lui de ne pas s'en aller ! Je veux qu'il soit là ! Je veux !»« Il va revenir, mon ange !» répétait Hélène, qui mêlait ses larmes aux siennes. « Il ne nous quittera pas, je te le jure. Il nous aime trop. Voyons, sois sage, recouche-toi. Moi, je reste là, j'attends qu'il revienne. »« Bien vrai !» murmura l'enfant, qui retomba peu à peu dans une somnolence profonde. Alors commencèrent des jours affreux, 3 semaines d'abominables angoisses. La fièvre ne cessa pas une heure. Jeanne ne trouvait un peu de calme que lorsque le docteur était là et qu'elle lui avait donné l'une de ses petites mains, tandis que sa mère tenait l'autre. Elle se réfugiait en eux, elle partageait entre eux son adoration tyrannique, comme si elle eût compris sous quelle protection d'ardente tendresse elle se mettait. Son exquise sensibilité nerveuse, affinée encore par la maladie, l'avertissait sans doute que seul un miracle de leur amour pouvait la sauver. Pendant des heures, elle les regardait aux deux côtés de son lit, les yeux graves et profonds. Toute la passion humaine, entrevue et devinée, passait dans ce regard de petite fille moribonde. Elle ne parlait point, elle leur disait tout d'une pression chaude, les suppliant de ne pas s'éloigner, leur faisant entendre quel repos elle goûtait à les voir ainsi. Lorsque, après une absence, le médecin reparaissait, c'était pour elle un ravissement. Ses yeux qui n'avaient pas quitté la porte s'emplissaient de clarté. Puis, tranquille, elle s'endormait, rassurée de les entendre, lui et sa mère, tourner autour d'elle et causer à voix basse. Le lendemain de la crise, le docteur Baudin s'était présenté, mais Jeanne avait boudé, tournant la tête, refusant de se laisser examiner. « Pas lui, maman, » murmurait-elle. « Pas lui, je t'en prie. » Et, comme il revenait le jour suivant, Hélène dut lui parler des répugnances de l'enfant. Aussi le vieux médecin n'entrait-il plus dans la chambre. Il montait tous les 2 jours, demandait des nouvelles, causait parfois avec son confrère, le docteur de Berle, qui se montrait déférent pour son grand âge. D'ailleurs, il ne fallait point chercher à tromper Jeanne. Ses sens avaient une finesse extraordinaire. L'abbé et M. Rambeau arrivaient chaque soir, s'asseyaient, passaient là 1 heure dans un silence navré. Un soir, comme le docteur s'en allait, Hélène fit signe à M. Rambeau de prendre sa place et de tenir la main de la petite pour qu'elle ne s'aperçût pas du départ de son bon ami. Mais au bout de 2 ou 3 minutes, Jeanne, endormie, ouvrit les yeux, retira brusquement sa main. Et elle pleura. Elle dit qu'on lui faisait des méchancetés. « Tu ne m'aimes donc plus ! Tu ne veux donc plus de moi ! » répétait le pauvre M. Rambeau, les larmes aux yeux. Elle le regardait sans répondre. Elle semblait ne plus même vouloir le reconnaître. Et le digne homme retournait dans son coin, le cœur gros. Il avait fini par entrer sans bruit et se glisser dans l'embrasure d'une fenêtre, où, à demi caché derrière un rideau, il restait la soirée, engourdi de chagrin, les regards fixés sur la malade. L'abbé aussi était là, avec sa grosse tête toute pâle sur ses épaules maigres. Il se mouchait bruyamment pour cacher ses larmes. Le danger que courait sa petite amie le bouleversait, au point qu'il en oubliait ses pauvres. Mais les deux frères avaient beau se reculer au fond de la pièce, Jeanne les sentait là. Ils la gênaient. Elle se retournait d'un air de malaise, même lorsqu'elle était assoupie par la fièvre. Sa mère alors se penchait pour entendre les mots qu'elle balbutiait. « Oh, maman, j'ai mal. Tout ça m'étouffe. Renvoie le monde tout de suite, tout de suite. » Hélène, le plus doucement possible, expliquait aux deux frères que la petite voulait dormir. Ils comprenaient. Ils s'en allaient en baissant la tête. Dès qu'ils étaient partis, Jeanne respirait fortement, jetait un coup d'œil autour de la chambre, puis reportait avec une douceur infinie ses regards sur sa mère et le docteur. « Bonsoir, » murmurait-elle. « Je suis bien. Restez là. » Pendant 3 semaines, elle les retint ainsi. Henri était d'abord venu 2 fois par jour, puis il passa les soirées entières. Il donna à l'enfant toutes les heures dont il pouvait disposer. Au début, il avait craint une fièvre typhoïde, mais des symptômes tellement contradictoires se présentaient qu'il se trouva bientôt très perplexe. Il était sans doute en face d'une de ces affections chloroanémiques, si insaisissables, et dont les complications sont terribles à l'âge où la femme se forme dans l'enfant. Successivement, il redouta une lésion du cœur et un commencement de phtisie. Ce qui l'inquiétait, c'était l'exaltation nerveuse de Jeanne, qu'il ne savait comment calmer. C'était surtout cette fièvre intense, entêtée, qui refusait de céder à la médication la plus énergique. Il apportait à cette cure toute son énergie et toute sa science, avec l'unique pensée qu'il soignait son bonheur, sa vie elle-même. Un grand silence, plein d'une attente solennelle, se faisait en lui. Pas une fois, pendant ces 3 semaines d'anxiété, sa passion ne s'éveilla. Il ne frissonnait plus sous le souffle d'Hélène, et lorsque leurs regards se rencontraient, ils avaient la tristesse amicale de 2 êtres que menace un malheur commun. Pourtant, à chaque minute, leurs cœurs se fondaient davantage l'un dans l'autre. Ils ne vivaient plus que de la même pensée. Dès qu'il arrivait, il apprenait, en la regardant, de quelle façon Jeanne avait passé la nuit, et il n'avait pas besoin de parler, pour qu'elle sût comment il trouvait la malade.